En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. Oh, c'est pas vrai. Ils sont où mes pneus? Tu vas la bouger ta caisse. C'est bientôt mon départ. Eh oh! Je peux pas l'avancer ma voiture. La voiture numéro 5, avec à son bord notre favori, le fameux Luciano Berio, arrive tout juste alors que ses concurrents sont déjà prêts à partir. C'est parti! Jamais été aussi propre qu'avec votre déter... Parce que je l'aime. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie avec vous, aujourd'hui, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la... Boule de poil, non. Je vais appeler Super Brin d'Herbe et on te sauvera grâce au pouvoir de l'amitié pour qu'ensuite nous allons... Non, mais fallait comprendre, quoi. J'étais là, elle était là. Nous retrouvons notre envoyé spécial Francis Lalaine en direct de Moscou pour assister à la représentation de la nouvelle symphonie de Stramouskov. Découvrons-la ensemble. Ouais, ça va, José. Je cherche faire des trucs sympas à la télé. Tu veux super remettre ta course? Ah ouais. Attends, je trouve la télécommande et je remets. C'était du Stramouskov. C'est moche. Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Va chercher les pistaches. Ah, fais chier, José. Et tu veux une bière aussi? Oui. Et tu veux quoi? J'ai d'accro. 1666, 4. Ah, ok. Tiens, voilà ta Heineken. Mais... Thank you. Non ! La vache ! Ben José, c'est pas raté ce con. Et ainsi s'acheva la carrière de Luciano Berio. Adieu.